Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de magnificence, l'Éternel est revêtu de force, il s'en est saint, aussi la terre habitable est affermie, tellement qu'elle ne sera point ébranlée. Ton trône a été établi dès lors, tu es de toute éternité. Les fleuves ont élevé, ô Éternel, les fleuves ont élevé leur bruit, les fleuves ont élevé leur flot. L'Éternel, qui est dans les lieux élevés, est plus puissant que le bruit des gros seaux, et que les fortes vagues de la mer. Tes témoignages sont fort certains, Éternel, la sainteté a orné ta maison pour une longue durée.